الحمد لله الكبير المتعال، الواحد القهار العزيز الغفار، ذو العز والجلال، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على الضحوك القتال، على من علمنا العز والفداء ومقاتلة الأعداء والسير في درب الشرفاء، محمد بن عبد الله إمام الأتقياء. ورضي الله عن الصحابة الأقوياء الذين قاتلوا من خالف الحنيفية السمحاء ولو كان من أقرب الأقرباء، وانطلقوا مهاجرين في البر والصحراء، وقدموا برهانا لذلك الأشلاء والدماء، وفتحوا الأمصار تلو الأمصار ليعبد الناس رب الأرض والسماء. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. الله سبحانه وتعالى il a dit: s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous, et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: وفيكم سماعون لهم. قال مجاهد: معناه وفيكم محبون لهم، يبلغون إليهم ما سمعوا وهم الجواسيس. وقال قتادة: معناه وفيكم مطيعون لهم، أي يسمعون كلامهم ويطيعونهم، والله عليم بالظالمين. La signification de Mujahid par rapport à ce verset, ainsi que Qatada, ils ont dit que parmi les croyants, il y en a qui les aiment et ils leur rapportent ce qu'ils entendent des musulmans, et ce sont des espions, et ce sont des espions. Wa qala ibn Kathir rahimahullah: law kharaju fikum ma zadukum illa khabala, c'est-à-dire s'ils sortent avec vous, il ferait que rajouter la discorde et la corruption, car ce sont des lâches et des découragés. Ay li annahum jubana mahdhulun wa la awda'u khilalakum yabghunakum al fitna ay wa la asra'u al sayra wal mashy baynakum bin namimati wal baghda wal fitna. Et ils auraient rapporté des paroles entre vous, ainsi que maître de la médisance et la haine, et semer la terreur et la fitna entre vous. Wa fikum samma'un lahum ay fikum man yuti'uhum ay muti'un lahum wa mustahsinun li hadithihim wa kalamihim yastansihunhum wa in kanu la ya'lamun halahum fayuaddi ila wuqu'i sharr bayn al-mu'minin wa fasadin kabir. Ibn Kathir, dans son tafsir, il dit: et certains parmi vous les écoutent, c'est-à-dire ils sont obéissants à leurs directives, ils embellissent leurs dires et leurs paroles, et ils leur donnent des conseils, tout cela pour aboutir à une discorde entre les croyants et semer une grande corruption. Wa qala Mujahid wa Zayd ibn Aslam wa ibn Jarir wa hadha fi tafsir Ibn Kathir. Ils ont dit quoi? Ils ont dit: fikum samma'un lahum, et parmi vous certains les écoutent, أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. مجاهد, زيد, ابن أسلم ainsi que ابن جرير, ils ont dit: certains d'entre vous les écoutent, c'est-à-dire ils leur font écouter les nouvelles des croyants, ils leur transmettent les nouvelles des croyants. وقال الطبري: وأما قوله وفيكم سماعون لهم فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. Et Tabari a dit que sur la compréhension de ce verset, de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala fi surat at-Tawbah, verset 47, il a dit que les gens, les gens de science, ils ont eu une divergence sur al-mas'ala. فقال بعضهم معنى ذلك وفيكم سماعون لحديثهم لهم يؤدونه إليهم عيونا لهم. Il a dit, Ibn Jarir, que certains savants, ils ont eu une divergence sur ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux parties. Une partie qui a dit que certains musulmans hypocrites rapportent les paroles des musulmans et leurs secrets aux mécréants. وقال آخرون بل معنى ذلك وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. Et certains ont dit, dans le sens, dans un autre sens, ils ont dit que certains musulmans écoutent les paroles des hypocrites et ils se soumettent à leurs ordres. Donc dans le premier sens, des musulmans hypocrites qui rapportent les paroles des croyants aux mécréants, et dans l'autre sens, des hypocrites qui se soumettent aux ordres des koufars et à leurs directives et à ce qu'ils rapportent. Les koufars, ils les écoutent et ils croient en ce qu'ils disent. Wa as-sawab min al-qawl kama qala Abu Ja'far wa hadha fi tafsir at-Tabari wa awla at-ta'wilayn 'indi min dhalika bis-sawab ta'wil man qala ma'naah wa fiikum sama'un li hadithikum lahum يبلغونه عنكم عيونا لهم لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه سماع للكلام كما قال سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. أبو جعفر il dit que la plus juste des paroles c'est la parole qui dit que certains musulmans écoutent les paroles et ils les font transmettre aux mécréants. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans un verset, et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établi. Donc ici, As-Sama', c'est celui qui rapporte les paroles par médisance. Hada huwa As-Sama'. Sama', c'est-à-dire qu'il écoute une parole et il la rapporte. Et on a plusieurs endroits dans le Coran, on a le mot sama'. Et il dit Abu Ja'far, car les gens, quand ils parlent d'une personne, ils disent sami'un wa muti', ils disent pas sama'un muti'. Sami'un wa muti'. On dit sami'un wa muti'. Quand il y a shidda sur le mime, ça veut dire sama, ça veut dire que tu t'écoutes et tu rapportes la parole. Et c'est le sens le plus juste, comme il a dit Abu Ja'far, et ceci dans Tafsir at-Tabari. Wa qala Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi, wal qulub al-ha'ira tabuthu al-khawra wad-da'fa fi as-sufuf wan nufus al-kha'inati khatrun 'ala al-juyush. ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل زادوهم اضطرابا وفوضى ولا أسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين. Ici, Sayyid Qutb, في الضلال, dans son livre, dans son tafsir, il dit: les cœurs confus diffusent la faiblesse dans les rangs, et les hommes qui sont traîtres sont une menace pour les armées. Même si les hypocrites seraient sortis, ils n'auraient pas fortifié les rangs des musulmans, mais au contraire, ils n'auraient fait qu'accroître le trouble dans les rangs de ces derniers. Et ils jetteraient entre les musulmans le trouble, la division, la fitna, ainsi que la discorde entre les musulmans. Et parmi les musulmans, certains leur prêtent attention et les écoutent. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم وإن لم يكن منافق كما قال سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم وهذا في مجموع الفتاوى الكبرى. Donc Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi il a dit, et parmi les croyants il y a certains qui écoutent les paroles des hypocrites et ils se soumettent à leurs ordres, et même s'il n'est pas un hypocrite, comme Allah azza wa jalla a dit, et parmi vous certains les écoutent. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre les gens qui rapportent des dires, et notamment les prêcheurs aux troubles qu'on a durant ce temps-là, comme ça a été rapporté par al-Bukhari min hadithi Hudayf ibn al-Yaman, qu'il y avait des prêcheurs sur les portes de l'enfer, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui leur répondra, ils le jetteront en enfer. Et médite bien, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit du'at dans le hadith, du'at ala abwab jahannam, des prêcheurs, pas des kuffars. Falihada yajibu ala al-insan an yatafattana wa an la yasmi' min an-nas man habba wa dab وليتفطن وليحذر وليحذر على نفسه أن لا يقع في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأن يضع هذه الآية نصب عينيه: إذا جاءك خبر فتبين. Il est obligatoire de vérifier la réalité des choses. Il est obligatoire de vérifier la réalité des gens. Et il est obligatoire de vérifier la réalité des groupes. Wallahu ghalibun ala amrih, walakin aktharan nas la ya'lamun.